Décasser le rage, qui lui qu'un clan, facile fait passer le hache. J'arriverai de fonce des ice malades à cause de l'ice la torque. Qui lui pègue nègre, débarque en tout noir comme des swats. Chakour, t-shirt extra large, j'assume la extra loud. Ça sort pas d'yal bitch. Négro, fuck les SCP, le cerveau d'un érudit. J'mets tout knowledge en forme dans le CD. Nibiru, Nebérou, Jésus au rue soleil. Demande à DG calme, muezin, c'est des vierges, ouezin. J'entends grave crier SOS. Zirus Jack, là pour or, diamant peso neck. Et quand j'kick la tête, mes ennemis hoche. Hein. Pour eux c'est fait, terrain vague pelle pioche, c'est au cam que j'pionce. Et j'fais partie des 5%, ça t'effrie, que la frappe pourtant. Troisième œil intact, l'orage c'est que tu ressens. Et on est pur comme le beau PFLR. J'ai des PDF qui peut te faire vriller côté ouest. Et dans la sec, pas d'as, foufou délateur. Rim ninja, du Bellator, j'crois que j'ai fumé la tonne. Et ça te puit, hein. Pop des bails, chelou ça te suit. Bientôt si ça track suite. Barca boulet de négro tous les côtés. Hein. Taf comme au cerf négro pour les beautés. Hein. Barca boulet de négro tous les côtés. Taf, taf comme au cerf négro pour les beautés. Hein. Barca boulet de négro tous les côtés. 2K19, c'est trop tard négro pour écouter. Dans l'équipe, que des G2221. Pour l'un te fin Dameson, il me faut un peu de lin. Je lis le ciel, comme si je lis un livre. Osiris, rime tranchante, trempé dans le cyanure. Je veux les love sales, 22, coffre ça. Nibiru, drop ça, Dameson, y'a plus en plus de copes noirs. Ils sont du père comme Attel, je vais les boire. Et mes doigts, ils sont salés à cause du touchy qu'on empêche. OVG négro, pyramide à l'envers. Faut qu'un F négro qui finit à Anvers. Comme une horloge astrologique. KO à chaque match, il s'affiche comme des oies astrologiques. Dépense pas mon énergie dans le futile. Et la ZB dans le futui. 667 sur les sacs étant de Suti. Oups 67 comme une horloge astrologique. KO à chaque match, il s'affiche comme des oies astrologiques. Dépense pas mon énergie dans le futile. Et la ZB dans le futui. 667 sur les sacs étant de Suti.